appelée Jeanne. Une fille appelée Jeanne. Fille de Dieu, en avant! Fille de Dieu, en avant! Est-ce que la France va être déchirée en deux pour toujours? Fille de Dieu, en avant! Ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Une enfant appelée Jeanne. Il y eut une vierge appelée Jeanne. Jeanne. Jeanne. Qui m'appelle ? Qui est-ce qui m'appelle ? Qui est-ce qui a dit Jeanne ? Ne me reconnais-tu pas ? Je reconnais l'habit de Dominique, la robe blanche et le manteau noir. Ma robe blanche, que mes frères de Paris et de Rouen ont souillée d'une telle souillure, que ni la soude, ni l'herbe à foulon ne suffiront à l'effacer. Frère Dominique, la bonté de Dieu y suffira, et le sang de cette fille innocente. Jeanne, ma sœur, ainsi tu m'as reconnue. Frère, frère Dominique, nous sommes des animaux de la même laine. Et moi, je suis quelqu'un dans le troupeau qui reconnaît la voix de son conducteur. Puisque mes frères et mes fils m'ont trahi, puisque ceux qui devraient être la puissante voix du vrai se sont faits à contre Dieu, tes accusateurs et tes bourreaux, Jeanne, puisque la parole entre ces mauvais doigts entremêlés est devenue grimoire, c'est moi-même, Dominique, moi, Dominique, qui du ciel suis descendu vers toi avec ce livre. Dominique, frère Dominique, tous ces temps que voici, j'ai vu beaucoup de plumes à l'œuvre autour de moi. Tout cela a fait un livre. Cette voix terrible qui me questionnait, et toutes ces plumes sans relâche autour de moi, toutes ces plumes sur le parchemin qui grince, tout cela a fait un livre. Tout cela a fait un livre, et moi je ne sais pas lire. Ce livre, pour le comprendre, il n'y a pas besoin de savoir ni A ni B. Ce paquet de mots que ces limousins sur la terre ont ficelés dans le latin de Foire, cette procédure qu'ils ont pétrie dans le patois de Coutances, les anges pour tous les temps l'ont traduit dans le ciel. Lis donc, frère, au nom de Dieu. Pour moi. Et moi, je regarde par-dessus ton épaule. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit. Ennemi du peuple, qu'on l'enlève, qu'on la tue, qu'on la brûle. Hérétique, sorcière, relapse, frère Dominique, tout cela c'est Jeanne d'Arc ? Est-ce vrai ? Est-ce moi qui suis tout cela ? Ce qu'ils en ont fait. Écoute ce qu'ils en ont retenu. Écoute les voix de la terre. Le Ces bêtes féroces se sont réunies autour de toi, la rage au cœur et l'écume au croc, ces prêtres, ces politiques, l'ange du jugement qui tient les hautes balances. D'un soufflet, il a fait tomber de leur tête et de leurs épaules la mitre, le capuchon et le froc. Les voici dépouillés comme des forçats, qu'ils reçoivent la coiffure qui leur est appropriée. Il faut que Jeanne, comme jadis ses sœurs sur l'arène de Rome, soit livrée aux bêtes. L'élu de Dieu, la sainte de Dieu, ce ne sont pas des prêtres, ce ne sont pas des hommes, ce sont des bêtes qui vont la juger. Silence. Qui sera le président? Le tigre. Le tigre se récute. Le renard dit qu'il est malade. Le serpent s'est sifflé lui-même au fond d'un trou. Mais alors, il n'y a personne pour présider. Si, si, si, si, si, si, si, si. Yes. Qui se propose pour juger Jeanne d'Arc? Moi, je me propose pour juger Jeanne d'Arc. Qui êtes-vous? Comment vous appelez-vous? Ego nominor Pocus. Je m'appelle Cochon. Let's go. Pécor. Prenez place à droite et à gauche et recevez vos insignes. Et maintenant, où est le greffier? C'est moi, l'âne à Linus Abel. De ta bouche cet aveu solennel qui est nécessaire à la sécurité de nos consciences. À genoux! Johanna, filia Rome, fateristi et confiteriste tenerimam quelam, non naturali auxilio, victoriam de manibus regis nostri. Et vulcisse et fortes exercitus eius sicut paleam in proprocissimam fugam versisse. Traduisez! Jeanne! Reconnais-tu que ce n'est pas par tes propres forces et des moyens naturels que tu es venu à bout des Anglais? Je l'avoue. Écrivez. Johanna, filia Rome, fateristi et confiteristi auxilio diaboli, decimi, à la pum de disser, redi, nostro, et fortes exercitus, eius in proprocissimam fugam versite. Traduisez. Jeanne. Reconnais-tu que c'est par l'aide du diable que tu as tout fait? Je dis non! Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle dit qu'elle dit oui. Écrivez qu'elle a dit oui. Et maintenant, je vais consulter le tribunal. Pecus quidicis? Pecus quidicis. Pecus confintentem. Ruum! Docti et sancti fratres, sic vobis justum et equum videtur, ut Johanna, filia Rome, striga, morte condemnatur! Moretur priga! Fiat voluntas regis nostri. Audivisti sententiam. Verita, veritica, relapsa, inimica regis et totus generis humani. Thank you. ce chien qui hurle dans la nuit? Ce n'est pas un chien. C'est Iblis, le désespéré, qui hurle tout seul au fond de l'enfer. Hérétique. Sorcière. Relapse. Cruelle. C'est moi, Jeanne, qui suis tout cela. L'Église, les prêtres, tout ce qu'il y a au monde de respectable et de capable et de savant, c'est cela d'une voix qui me condamne. Explique-moi, frère Dominique, qu'est-ce que j'ai fait? Lis-moi ce qui est dans le livre. Tous ces grands hommes qui t'ont condamné, ces docteurs et ces savants, malvenus Jean Midi, Coupequen et tout mouillé, ils croient dur au diable, mais ils ne veulent pas croire à Dieu. Le diable, c'est une réalité. Les anges, c'est une bêtise. Le diable que tu détestais, il t'a aidé. Les anges que tu invoquais, ils n'ont rien fait. Et criminels des deux côtés, ils te condamnent de l'une et l'autre main. Telle est la sagesse de la Sorbonne. Tels sont ces illustres docteurs qui donnent des nazardes au pape. Mais moi, la pauvre pastoure de Don Rémy, comment est-ce que je suis venue jusqu'ici? Tu y es venue par l'opération du jeu de cartes qu'un roi fou a inventé. Qu'est-ce que c'est que le jeu de cartes? On va te l'expliquer. Le jeu de cartes comprend quatre rois, quatre dames et quatre valets. Ce sont des chiffres qui sont sept. Le résultat de la partie est que les rois changent de place. Ce qui était au midi va au ce qui était au levant va au couchant, ça tourne. Elles ne changent pas de place, elles sont toujours là. Faites entrer leur majesté. Le roi de France. Sa majesté, la bêtise. Le roi d'Angleterre. Sa majesté, l'orgueil. Le duc de Bourgogne. Sa majesté, l'avarice. Et quel est le quatrième roi? Dans toutes les parties de cartes, il y a un mort. La mort. Et voici maintenant sa compagne est très fidèle épouse, celle qui partage son lit. Sa majesté la luxure. Les rois changent de place, mais les reines. Sa majesté, l'orgueil, sa majesté, la bêtise, sa majesté, l'avarice, sa majesté, la luxure. Ses majestés ne changent pas de place, elles restent toujours avec mais nous. Mais ceux qui jouent réellement la partie, ce ne sont pas les rois ni les reines, ce sont les valets. Faites entrer les valets. Sa grâce, le duc de Bedford. Son Altesse Jean de Luxembourg. Sa grandeur, Brugnon de Chartres. Guillaume de Flavie. C'est lui qui a baissé la herse derrière moi à Compiègne. Le jeu commence, il comprend trois parties. Première partie. Je Je veux dire que j'ai gagné. J'ai gagné. Je veux dire que j'ai perdu. Deuxième partie. Maîtresse. Je coupe. Troisième partie. J'ai perdu. J'ai perdu et j'ai de l'argent plein les poches. J'ai gagné et j'ai de l'argent plein les poches. Messieurs, je vous livre Jeanne d'Arc, la pucelle. La sorcière. Bien le bonjour, messieurs, et à l'avantage de vous revoir. Quelles sont ces cloches dans la nuit ? Jeanne d'Arc ? Hérétique, sorcière, cruelle, relapse. Merci, bonne cloche ! Mes sœurs, mes amis, mes voix qui s'étaient tues, les voilà de nouveau qui parlent. La cloche noire et la cloche blanche. Catherine et Marguerite, je les reconnais. La Catherine qui dit de profondis, et la Marguerite bleue et blanche dans le ciel qui dit papa, maman. Comme je les écoutais jadis à Do Ré Mi, la Catherine et la Marguerite. Sur ma jolie bannière bleue et blanche. Jésus, Marie, Catherine, Marguerite. Et moi, ce petit bout de femme dans les orties et les boutons d'or, si ébahie qu'elle oubliait de manger sa tartine.

c'est Dieu. C'est Dieu qui a fait cela. C'est Dieu. C'est Dieu avec Jeanne. Les voix ne m'avaient pas trompé. Catherine et Marguerite, elles ne m'ont pas trompé. Le roi ne voulait pas venir et c'est moi qui ai pris son cheval par la bride. C'est moi qui ai la amené à travers toute la France. C'est moi qui l'ai amené à Reims. C'est moi qui ai sauvé la France. C'est moi qui ai réuni la France. Toutes les mains de la France en une seule main. Une telle main qu'elle ne sera plus utilisée. Est-ce pour un roi de chair que tu as donné ton sang virginal? J'entends Marguerite dans le ciel, mélangée à l'exhalation des rossignols. Petites étoiles, à la voix de cette active sœur sacristine, s'éteignent, l'une après l'autre. Les pages de nuit, de sang, d'outre-mer et de pourpre se sont effeuillées sous mes doigts. Et il ne reste plus sur le parchemin virginal qu'une initiale dorée. Que c'est beau cette Normandie, toute rouge et rose, toute rouge de bonheur, toute rose d'innocence, qui se prépare à faire avec moi la sainte communion dans l'étincelante rosée. Que c'est beau pour Jeanne la Pucelle de monter au ciel au mois de mai. Que tu es belle, ô ma belle Normandie. Mais que dirais-tu, frère Dominique, si Marguerite et moi, nous pouvions t'expliquer notre Lorraine? Parle, Jeanne. Car je sais qu'il y a des choses qu'une petite fille peut m'expliquer. Moi qui ceins de fer et de cuir, et les yeux fermés, et marcher de bonne heure dans les sentiers de la pénitence. Que puis-je t'expliquer, quand il y a encore au ciel une douzaine d'étoiles au moins? Qui en savent plus que moi? Explique-moi ton épée. Est-ce vrai que tu as trouvé ton épée? Cette terrible épée devant laquelle se sauvaient Anglaise et Bourguignon dans une chapelle en ruine? Non, ce n'est pas une chapelle en ruine. C'est à Don Rémy qu'on me l'a donnée. Ma bannière dans la main gauche, mon épée dans la main droite. Ah, qui m'aurait résisté? Jésus, Marie, Jésus, Marie. Et je ne sais quoi et tous ces vilains noms. Bien sûr que j'irai. Mais tu ne m'as pas expliqué l'épée. Mais pour que tu comprennes l'épée, frère tendu, il faudrait que tu sois une petite fille lorraine. Je ne peux pas faire de toi une petite fille lorraine. Je ne peux pas te prendre la main et t'amener avec nous pour chanter Trimazo avec Aubin et Ruffin. Écoute ce qu'ils disent. As-tu compris, frère Dominique? À moi, il n'y a pas eu besoin de coupe-canne et tout mouillé pour me l'expliquer. C'est le tilleul devant la maison de mon père, comme un grand prédicateur en surplis blanc dans le clair de lune, qui m'a tout expliqué. Explique, et moi j'écoute. Quand il fait bien froid en hiver, que le froid et la gelée resserrent tout, et on dirait que tout est mort, et les gens sont morts de froid. Et il y a de la neige, et la glace, surtout, comme un drap, comme une cuirasse. Et on croit que tout est mort, et que tout est fini. Mais alors, il y a un rouge-gorge qui se met à chanter. Il y a un mauvais petit vent venu d'on ne sait où qui se met à souffler. Il y a une certaine petite pluie chaude qui se met à tomber sur vous. Il faudrait qu'il soit bien malin, celui qui empêcherait toute la France de partir. Les entends-tu ces chaînes de tous les côtés qui éclatent et qui cassent? À ces chaînes que j'ai aux mains, elles me font rire. Je ne les aurais mis toujours. On a vu ce que Jeanne peut faire avec une épée. La comprends-tu maintenant? Cette épée que Saint-Michel m'a donnée. Cette épée, cette claire épée, elle ne s'appelle pas la haine, elle s'appelle l'amour. Une petite larme pour Jeanne, une petite prière pour Jeanne, une petite pensée pour Jeanne. C'est pas pour boire ni pour manger, c'est pour aider à voir un ciel, pour illuminer la Sainte Vierge. C'est moi qui vais faire le joli cierge. Thank you. tu veux? Me brûler? Vive! Et ce prêtre qui était là tout à l'heure et qui me donnait à lire ce livre où je lisais, il n'est plus là. Que me dites? Il est descendu. Il n'est plus là. Et je suis seule. J'entends une voix au-dessus de moi qui dit: Jeanne, tu n'es pas seule. Thank you. choix. Qui est la plus forte? Il y a l'amour. Qui est le plus fort? Il y a Dieu.